finalisation de l'âge. L'humain excessivement excessif, asphyxilaire, restant idiot et passif. Doucement l'humain s'enterre. Mais quoi, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est quoi ce putain de salade? Avec brio, il scénarise sa propre solution finale. L'humain excessivement excessif, asphyxilaire, restant idiot et passif. Doucement l'humain s'enterre.